Chapitre 2e. Mrs. LeCount mêla le sel avec de l'eau et l'administra immédiatement. Le stimulant produisit l'effet voulu. Au bout de quelques minutes, Noël Vanstone fut en état de se soulever dans son fauteuil sans qu'on l'aidât. Son teint reprit un meilleur aspect et il respira plus librement. « Comment vous sentez-vous à présent ?» demanda Mrs. LeCount. « Votre côté gauche se réchauffe-t-il ? » Il ne prit pas garde à cette question. Ses yeux, qui parcouraient la chambre au hasard, s'étaient dirigés vers la table. À la grande surprise de Mrs. LeCount, au lieu de lui répondre, il se pencha en avant dans son fauteuil, contemplant d'un œil hagard et désignant de la main le second flacon qu'elle avait retiré de l'armoire et mis ensuite de côté sans y faire attention. Le voyant en proie à quelque alarme nouvelle, la femme de charge s'approcha de la table dans la direction des regards qu'il y jetait. L'étiquette du flacon était en vue, et là, lisiblement écrit par le pharmacien Dalborough, ce mot terrible s'étalait devant eux, « poison ». Le sang-froid de Mrs. LeCount elle-même fut ébranlé par cette découverte. Elle n'était pas préparée à voir, réalisé comme il l'était maintenant, ses plus sombres pressentiments. Ce que lui avait fait concevoir, sans qu'elle voulût se les avouer à elle-même, son aversion pour Magdalene. Le désespoir qui avait motivé l'achat du poison, la pensée de suicide en vue de laquelle, comme remède probable de l'odieux avenir, le poison avait été conservé, entraînaient avec eux leur légitime rétribution. Le flacon se trouvait là en l'absence de Magdalene, portant faux témoignage d'une trahison qui ne lui était jamais entrée dans l'esprit, d'un attentat projeté contre la vie de son époux. Montrant encore la table par un mouvement machinal, Noël Vanstone releva la tête et jeta un regard interrogateur à Miss LeCount. « Je l'ai retiré de l'armoire, » dit-elle pour toute réponse. « J'ai pris les deux flacons à la fois, ne sachant encore lequel pourrait me servir. Je suis aussi émue, aussi effrayée que vous. »« Du poison, » se disait-il lentement. Du poison mis sous clé par ma femme dans l'armoire de la chambre qu'elle habite. Il se tut un moment et regardant de nouveau Mrs. LeCount. « Pour moi ?» demanda-t-il d'un ton à la fois distrait et curieux. « Nous attendrons, monsieur, pour parler de ceci, » dit Mrs. LeCount. « Que votre esprit soit plus tranquille. D'ici là, le danger que peut receler ce flacon va être anéanti sous vos yeux. » Elle ôta le bouchon et jeta par la fenêtre d'abord le laudanum, puis le flacon vidé. Tâchons d'oublier pour le moment cette terrible découverte, reprit-elle, et descendons sans plus de retard. Tout ce que j'ai à vous dire maintenant peut vous être expliqué ailleurs qu'ici. Elle l'aidait à se soulever de son fauteuil et lui donnait le bras pour le soutenir. Je suis arrivé fort à propos pour lui et fort à propos pour moi, pensait-elle tandis qu'ils descendaient ensemble au rez-de-chaussée. En traversant le corridor, elle alla jusqu'à la porte devant laquelle attendait la voiture qui l'avait amenée de Dumfries et donna ordre au cocher d'aller faire rafraîchir ses chevaux à l'auberge la plus prochaine pour revenir ensuite la chercher au bout de 2 heures. Cette précaution prise, elle accompagna Noël Vanstone dans le salon et l'installa confortablement devant la cheminée dans un fauteuil de malade après avoir animé le feu qui s'éteignait. Il y demeura quelques minutes, parfaitement muet, exposant ses mains à la chaleur par un geste de vieillard et regardant fixement la flamme, il reprit ensuite la parole. Lorsque cette femme va me menacer à Vauxhall Walk, commença-t-il sans détourner son regard des charbons enflammés, vous entrâtes dans le salon un pressant départ et vous me dites. Il s'arrêta, pris d'un léger frisson, et perdit ici le fil de ses vagues souvenirs. Je vous dis alors, monsieur, reprit Mrs. LeCount, que selon moi, cette femme était Miss Vanstone elle-même. Ne tressaillez pas ainsi, monsieur Noël. Votre femme est partie, et vous m'avez ici pour vous soigner. Dites-vous, si vous éprouvez quelque crainte, LeCount est ici, LeCount aura soin de moi. Si dure que puisse être la vérité, continua-t-elle, encore faut-il qu'elle soit dite. Miss Magdalene Vanstone est bien cette femme qui vint chez vous sous un costume d'emprunt. Et cette femme est bien celle que vous avez épousée. Le complot dont elle vous menaçait à Londres est bien le complot par suite duquel vous êtes devenu son mari. Voilà l'irrécusable vérité. Vous avez vu là-haut cette robe. En supposant qu'elle eût été détruite, j'aurais encore eu les moyens de vous convaincre. Grâce à mon entrevue avec Mrs. Bygrave, j'ai découvert la maison que votre femme habitait à Londres, une de celles qui, dans Vauxhall Walk, faisait face à la nôtre. J'ai mis la main sur une des filles de la propriétaire, qui, d'un cabinet reculé, s'amusait à espionner votre femme et l'a vu revêtir son déguisement. Cette fille peut attester son identité, tout comme celle de Mrs. Bygrave, et m'a fourni, sur ma demande, une déclaration écrite qu'elle est prête à confirmer par serment, si quelqu'un se hasardait à la contredire. Vous pourrez lire cette déclaration, monsieur Noël, lorsque vous serez plus en état de la bien comprendre. Vous lirez aussi une lettre, écrite de la main de Miss Garth, et dont elle attestera le contenu devant vous si vous l'exigez. Lettre où elle nie formellement qu'elle soit jamais venue à Vauxhall Walk, et affirme, non moins formellement, que ces signes sur le cou de votre femme sont des marques particulières à Miss Madeleine Vanstone, lesquelles lui sont connues depuis l'enfance de celle-ci. Je le dis avec un légitime orgueil. Vous ne trouverez pas un côté faible à la démonstration que je vous apporte. Si Mr. Bygrave n'avait pas volé ma lettre, vous eussiez été averti avant cette déception cruelle qui m'a fait partir pour Zurich. Et les preuves que je vous fournis maintenant, après votre mariage, vous les auriez eues avant qu'il fût consommé. Vous ne devez pas, monsieur, me regarder comme responsable de ce qui est arrivé depuis que j'ai quitté l'Angleterre. Prenez-vous-en à la fille illégitime de votre oncle. Prenez-en-vous à ce misérable dont les deux yeux ne sont pas de la même couleur. » Elle articula ces derniers mots, saturés de venin, aussi lentement, aussi distinctement qu'elle avait articulé le reste de son discours. Noël Vanstone ne répondit rien. Il demeurait assis et penché vers le feu. Elle se baissa pour le regarder au visage. Il pleurait en silence. « Moi qui l'aimais tant, » finit par dire le misérable avorton. « Moi qui me croyais adoré d'elle. » Mrs. LeCount lui tourna le dos dans un silence dédaigneux. Il l'aimait tant. Tandis qu'elle se répétait ces paroles, son visage dévasté redevint presque beau par l'intensité du magnifique mépris qu'il exprima. Elle s'approcha d'une bibliothèque placée au fond du salon et se mit à examiner les volumes que ce meuble renfermait. Mais bientôt elle fut arrachée à cet examen distrait par un appel de son maître, soudainement pris d'effroi. Les pleurs avaient séché sur son visage, qui, lorsqu'il le tourna vers elle, était redevenu pâle de terreur. « LeCount, dit-il, se cramponnant à elle des deux mains, un œuf peut-il être empoisonné ? Ce matin, à déjeuner, j'ai pris un œuf, avec une petite rôtie. » « Tranquillisez-vous, monsieur, dit Mrs. LeCount. Le seul poison que vous ayez encore pris est celui des fausses paroles de votre femme. » Si elle s'était déjà décidée à vous faire expier par la mort votre crédulité insensée, elle n'aurait pas quitté la maison où elle vous laissait vivant encore. Chassez donc cette idée de votre esprit. Nous voici à la moitié du jour. Vous avez besoin de vous rafraîchir. J'ai encore bien des choses à vous dire, dans l'intérêt de votre sécurité. J'ai aussi quelque chose à vous suggérer qui ne souffre pas le moindre retard. Mais il faut pour cela reprendre des forces. Si la nourriture préparée ici vous inspire quelque méfiance, je mangerai la première, afin de vous rassurer. Êtes-vous assez calme pour donner vos ordres à la domestique une fois que je l'aurai sonné? Il est indispensable au dessein que j'ai formé pour vous que personne ne puisse vous croire malade de corps ou malade d'esprit. Avant l'arrivée de la domestique, essayez-vous devant moi. Voyons quel air et quel langage vous aurez en prononçant ces paroles. Apportez le lunch. Après deux répétitions, M. LeCount jugea son maître en état de donner cet ordre sans trahir son état de faiblesse. Louisa répondit au coup de sonnette. Louisa regarda obstinément M. LeCount. Le repas fut apporté par la fille de service. Cette fille regarda obstinément Mrs. LeCount. La cuisinière vint desservir une fois le lunch terminé. La cuisinière regarda obstinément Mrs. LeCount. Les trois domestiques soupçonnaient évidemment qu'il se passait dans la maison quelque chose d'extraordinaire. Il n'était guère douteux qu'elles ne se fussent arrangées pour se partager entre elles trois les occasions que le service de la table pouvait leur fournir d'entrer tour à tour dans le salon. La curiosité dont elle était l'objet n'échappa point à la pénétration de l'ex-femme de charge. « J'ai bien fait, » pensait-elle, de me ménager par avance tous les moyens d'arriver à mes fins. Si je laissais l'herbe pousser sous mes pieds, l'une ou l'autre de ces femmes pourrait me créer des obstacles. Excitée par cette considération, elle alla, aussitôt que la dernière des domestiques eut quitté la pièce, prendre son sac de voyage déposé dans un coin, et s'asseyant au bout de la table, en face de Noël Vanstone, elle le contempla un moment avec une attention investigatrice. Elle avait eu le soin de mesurer la quantité de vin qu'il avait prise pendant son repas. Elle l'avait laissé boire exactement assez pour lui donner des forces, sans déranger son équilibre mental. Et maintenant, elle examinait son visage au point de vue critique, ainsi qu'un artiste, sa journée finie, examine sa toile et vérifie les progrès de son tableau. Le résultat parut la satisfaire, et sans plus tarder, elle aborda le côté sérieux de l'entrevue. « Voulez-vous, Monsieur Noël ?» lui demanda-t-elle. « Jeter les yeux avant que j'en dise davantage sur les témoignages écrits dont je vous ai parlé. Ou bien votre conviction est-elle déjà suffisante pour me permettre de passer immédiatement à la proposition que j'ai à vous faire ?»« Voyons cette proposition, » dit-il, s'accoudant à la table d'un air boudeur et appuyant sur ses mains sa tête inclinée. Mrs. LeCount retira de son sac de voyage les témoignages écrits auxquels elle venait de faire allusion et prit soin de placer ses documents à côté de lui de manière à ce qu'il pût y recourir aisément, si la fantaisie lui en prenait. Les manières disgracieuses qu'il affectait vis-à-vis d'elle, bien loin de l'intimider, lui donnaient courage. Elle le connaissait assez pour savoir que ce symptôme était de bon augure. Dans ces rares occasions où la faible décision qui était en lui se trouvait disponible, on la voyait s'affirmer, comme chez presque tous les hommes naturellement faibles, d'une manière agressive. En pareil cas, plus il se montrait boudeur et discourtois à l'égard de ceux qui l'entouraient, plus s'affermissait sa résolution éphémère. Et par contre, on pouvait en constater la défaillance en la mesurant aux égards à la politesse qu'il manifestait. L'accent de sa dernière réponse et l'attitude sans gêne qu'il venait de prendre à table convainquirent Mrs. LeCount que le vin d'Espagne et le mouton d'Écosse, fidèles à leur mission, avaient relevé son courage abattu. « Si vous le permettez, » continua-t-elle, « je vous poserai d'abord, pour la forme, une première question. Mais je n'ai pas besoin de votre réponse pour être certaine, d'ores et déjà, que vous avez fait votre testament. » Il remet la tête en signe d'affirmation, sans regarder l'ex-femme de charge. « Vous l'avez fait en faveur de votre femme. Même mouvement. Vous lui avez laissé toute votre fortune. Non. » Mrs. LeCount parut fort surprise. « Est-ce de vous-même, Monsieur Noël, demanda-t-elle, que vous avez ainsi modifié vos libéralités envers elle ? Ou se pourrait-il que votre femme eût spontanément limité la part que vous lui faisiez dans votre testament ?» Il garda un silence contraint. Il avait honte, bien évidemment, de répondre à une telle question. Mrs. LeCount la répéta sous une forme moins directe. « Combien laissez-vous à votre veuve, Monsieur Noël, pour le cas où vous viendriez à décéder avant elle ?»« 80 000 livres sterling. » Cette réponse disait tout. La somme de 80 000 livres sterling représente exactement la fortune dont Michel Vanstone, à la mort de son frère, avait dépouillé les enfants de son frère devenu orphelin. Exactement la fortune que le fils de Michel Vanstone avait conservée à son tour aussi impitoyablement que son père. Le silence de Noël Vanstone remplaçait éloquemment la confession qu'il avait honte de faire tout haut. Sa faiblesse insensée avait dû, sans nul doute, mettre au pied de sa femme tout ce qu'il possédait au monde. Mais cette jeune fille, dont l'audace vindicative avait brisé toute espèce de frein, cette jeune fille qui, même à la porte du temple, n'avait pas reculé devant une résolution désespérée, l'heure du triomphe venu pour elle, n'avait voulu exiger de l'homme prêt à lui tout donner qu'une portion de ses biens. Elle lui avait arraché rigoureusement jusqu'au dernier farthing de la fortune qu'André Vanstone avait léguée à ses filles. Mais ensuite, elle avait repoussé la main tentatrice où elle pouvait puiser encore des sommes considérables. Mrs. LeCount, pour le moment, se vit contrainte au silence par la surprise que lui causait une pareille modération. Magdalene lui imposait, en dépit d'elle-même, cet étonnement voisin de l'admiration qu'on n'accorde pas volontiers à un ennemi. Aussi, à dater de ce moment, son aversion pour Magdalène devint-elle 10 fois plus intense. « Je ne doute pas, monsieur, » reprit-elle après s'être tue un moment, « que Mrs. Noël ne vous ait donné d'excellentes raisons pour fixer son douaire, après votre mort, à la somme de 80 000 livres, ni plus ni moins. Et d'autre part, je suis non moins certaine que, libre alors de tout soupçon, vous avez trouvé ces raisons parfaitement concluantes. Mais le temps des illusions est passé. Vos yeux sont dessillés, monsieur, et vous ne manquerez pas de remarquer, comme je le remarque moi-même, que la propriété de Combraven se trouve représentée une somme exactement égale à celle que votre femme se faisait léguer par vous. Si vous pouviez douter encore du motif qui l'a porté à vous épouser, relisez votre testament. Ce motif y est écrit en toutes lettres. » Il écarta les mains qui masquaient son visage, et pour la première fois depuis qu'ils étaient ainsi face à face aux deux côtés de la table, il lui prêta l'attention la plus concentrée. Jamais il n'avait évalué, prise à part, la propriété de Combraven. Elle lui était arrivée après la mort de son père, confondue avec le reste de la succession. La découverte qu'on lui suggérait maintenant, ni ses calculs ordinaires, dans leur étroite limite, ni sa confiance absolue dans l'affection de sa femme, ne lui avait jusqu'alors permis de la faire par lui-même. Il continua à garder le silence, mais il boudait moins Mrs. LeCount. Son attitude était plus conciliante. Il y avait chez lui comme un reflux de courage. Son assurance baissait à vue d'œil. « Il faut, monsieur, reprit Mrs. LeCount, que vous envisagiez votre situation aussi nettement que je l'envisage moi-même. Entre cette femme et le but qu'elle veut atteindre, il n'existe plus qu'un obstacle. Cet obstacle est votre existence. Après la découverte que nous avons faite là-haut, je vous laisse à penser ce que vos jours valent maintenant. » À ces terribles paroles, il perdit tout ce qu'il restait de sa résolution déjà fort diminuée. « Ne cherchez pas à m'effrayer, » disait-il, suppliant. « Je suis déjà bien assez effrayé comme cela. » Il se leva, et tirant son fauteuil après lui, vint s'asseoir auprès de Mrs. LeCount. Puis, d'un air caressant, il lui baisa la main. « Bonne créature, » disait-il d'une voix altérée, « excellente et digne LeCount, dites-moi ce qu'il faut faire. Je me sens plein de courage. Il n'y a rien que je ne fasse pour sauver ma vie. » « Avez-vous ici de quoi écrire ?» demanda Mrs. LeCount. « Voudriez-vous, s'il vous plaît, l'apporter sur cette table ?» Tandis que son maître rassemblait les objets demandés, Mrs. LeCount mit de nouveau à contribution son sac de voyage. Elle en retira 2 papiers, tous 2 endossés de la même écriture régulière et correcte dont usent les commerçants. On lisait sur l'un « Esquisse du testament à proposer », sur l'autre « Esquisse de la lettre à proposer ». Quand elle les plaça devant elle sur la table, sa main trembla quelque peu, et l'on aurait pu l'avoir appliqué sous ses narines le flacon de sel qu'elle avait apporté dans l'intérêt de Noël Vanstone. « En venant ici, monsieur Noël, » continua-t-elle, « j'espérais pouvoir accorder à vos réflexions un délai plus long que le péril actuel n'en laisse à notre disposition. Au premier abord, quand vous m'avez parlé de ce voyage à Londres fait par votre femme, j'ai regardé comme probable qu'elle était allée y voir sa sœur et Miss Garth. Depuis l'épouvantable découverte que nous avons faite là-haut, je me sens disposé à penser autrement. Le parti pris par votre femme de ne pas vous nommer les amis qu'elle est allée voir me remplit des plus vives craintes. Peut-être a-t-elle des complices à Londres. Peut-être en a-t-elle, qui peut le savoir, jusque dans cette maison-ci. Vos domestiques, monsieur, se sont ménagés tous les 3 l'occasion d'entrer l'une après l'autre dans cette pièce et de m'examiner à loisir. S'il faut vous le dire, je n'aime pas leur physionomie. Nous ignorons, vous et moi, ce qui peut arriver d'un jour à l'autre, ou même d'ici à quelques heures. Il importe, croyez-moi, de prendre immédiatement les devants sur tous les accidents possibles, et quand la voiture viendra me chercher, vous quitterez cette maison avec moi. « c'est cela, » dit-il empressé. Je quitterai la maison en même temps que vous. Je ne voudrais pas y demeurer seul pour tout l'or du monde. Mais cette encre et cette plume, pourquoi les avez-vous demandées? Qui doit écrire, vous ou moi? « C'est vous, monsieur, » dit Mrs. LeCount, « vous seul, d'un bout à l'autre, prendrez l'initiative des mesures destinées à vous sauver. Je propose, monsieur Noël, et vous disposez. Constatez d'abord, monsieur, la position qui vous est faite. Quelle est la première, la plus impérieuse des nécessités actuelles? C'est bien évidemment d'anéantir l'intérêt que votre femme peut prendre à votre décès, et pour cela le moyen le plus direct est de faire un autre testament. » Mr. Vanstone témoigna son approbation par un geste véhément. Ses joues s'animèrent et un malicieux triomphe brilla dans ses yeux clignotants. « Elle n'aura pas un farthing, » se disait-il à demi-voix. « Je réponds bien qu'elle n'aura pas un farthing. » « Votre testament une fois fait, monsieur, » continua Monsieur LeCount, « vous le déposerez aux mains d'une personne de confiance. Non, dans les miennes, monsieur Noël, je ne suis que votre domestique. » Puis le testament mis en lieu sûr et vous-même bien à l'abri, vous écrirez à votre femme en lui adressant ici votre lettre. Ce sera le moment de lui apprendre que vous avez changé vos dispositions testamentaires et que les nouvelles la laissent à votre mort sans un sou vaillant. En vertu de votre légitime indignation, refusez-lui pour jamais l'entrée de votre domicile. Placez-vous ainsi dans une forte position, et ce n'est plus vous qui êtes à la merci de votre femme, c'est votre femme qui est à votre discrétion. Revendiquez, monsieur, tous les pouvoirs que la loi vous donne, et vous réduirez cette femme à subir désormais toutes les conditions qu'il vous plaira de lui imposer. » Il saisit la plume en toute hâte. « C'est cela, » disait-il avec une importance vindicative, « toutes les conditions qu'il me plaira de lui imposer. » Mais il s'arrêta tout à coup. L'abattement, la perplexité, se peignirent sur son visage. « Comment faire maintenant ? » demanda-t-il, jetant la plume aussi vite qu'il l'avait prise. « De quel embarras s'agit-il ? » demanda Mrs. LeCount. « Comment faire mon testament en l'absence de Mr. Loscombe qu'il faudrait aller chercher à Londres et sans pouvoir recourir ici à l'assistance d'aucun avocat ? » Mrs. LeCount posa doucement son index sur les papiers étalés devant elle. « Vous trouverez ici, monsieur, » disait-elle, « toute l'assistance dont vous pourrez avoir besoin. Avant de venir auprès de vous, j'avais mûrement pesé toutes choses, et pour me guider à travers les difficultés d'où je ne serais pas sortie toute seule, j'ai eu recours à la secrète assistance d'un ami. Cet ami est un gentleman, suisse d'origine, mais qui est né en Angleterre et y a fait son éducation. Sans être jurisconsulte de métier, il connaît suffisamment la loi et tout ce qui s'y rapporte. C'est à lui que je dois non seulement un modèle du testament que vous pourriez faire, mais aussi l'esquisse écrite d'une lettre dont la rédaction nous importe autant que celle de la rédaction du testament lui-même. Car, monsieur Noël, il est encore une autre difficulté à laquelle vous devez pourvoir, et dont je n'ai point voulu vous parler encore, mais qui n'en est pas moins aussi urgente, à sa manière, que celle de refaire votre testament. « Quelle est-elle ? » demanda-t-il, sa curiosité s'éveillant. « Nous nous en occuperons à son tour, monsieur, » répondit Mrs. LeCount. « Mais son tour n'est pas encore venu. Commençons, s'il vous plaît, par le testament. Je vous le dicterai d'après le modèle que je me suis procuré. Vous n'aurez ainsi qu'à l'écrire. » Noël Vanstone regarda le projet de testament et le projet de lettre avec une curiosité soupçonneuse. « Il me semble qu'avant de dicter, vous devriez me soumettre ces pièces, » dit-il ensuite. « Cela, le Count, m'irait infiniment mieux. »« Très volontiers, monsieur, » répliqua Monsieur le Count, qui lui tendit immédiatement les documents demandés. Il lut d'abord le projet de testament, s'arrêtant et fronçant les sourcils d'un air méfiant, chaque fois qu'il rencontrait dans le manuscrit les blancs à remplir par le nom des légataires ou le chiffre des sommes léguées. 3 ou 4 minutes lui suffirent cependant pour achever cette première lecture. Il rendit le papier à Mrs. LeCount sans élever la moindre objection contre aucune des clauses qui s'y trouvaient portées. Le projet de lettre était un document beaucoup plus long. Il le lut obstinément d'un bout à l'autre. Son air perplexe et mécontent témoignait assez qu'il n'y comprenait absolument rien. « Il faudra qu'on m'explique ceci, » dit-il avec un retour de son ancienne importance, « si l'on veut que je prenne aucune des mesures en ce sens. » « À mesure que nous irons, » répondit Mrs. LeCount, « Chaque rédaction vous sera expliquée. Mot à mot, et d'un bout à l'autre? D'un bout à l'autre et mot à mot, monsieur Noël, quand son tour sera venu. Vous n'objectez rien au testament? Consacrons-nous alors au testament. Et conformément à ce que je vous disais, occupons-nous sans retard de sa rédaction. Vous avez pu vous assurer par vous-même qu'il est assez court et assez simple pour être compris de tous, même d'un enfant. Si pourtant quelques doutes subsistaient encore dans votre esprit, faites-les disparaître, je vous prie, en soumettant cet acte à l'examen d'un jurisconsulte. Cependant, ne m'accusez pas d'indiscrétion, si je me permets de vous rappeler que nous sommes tous mortels et que l'occasion une fois perdue ne se retrouve jamais. Pendant que votre temps est encore à vous, monsieur, et pendant que vos ennemis n'ont encore aucun soupçon, hâtez-vous de faire votre testament. » Elle ouvrit une double feuille de grand papier à lettres et, la lissant de la main, l'étala devant lui. Elle trempa la plume dans l'encre et l'introduisit entre ses doigts. Il se laissait faire sans parler. Selon toute apparence, il avait, depuis quelques minutes, l'esprit à la gêne. Mais le point essentiel était gagné. Il était là, devant cette table, le papier sous les yeux, la plume dans la main, sur le point, à la fin et pour tout de bon, de faire son testament. « La première question que vous ayez décidée, monsieur, » dit Mrs. LeCount quand elle eut jeté sur le projet un coup d'œil préliminaire, « est le choix d'un exécuteur. Je ne prétends influencer en rien votre décision, mais je puis sans inconvenance vous rappeler que pour choisir sagement cette matière, il serait bon d'élire un vieil ami, souvent éprouvé, en qui vous puissiez mettre toute confiance. Je suppose qu'il s'agit de l'amiral, » dit Noël Vanstone. Mais le comte s'inclina. « Très bien, » continua-t-il. « L'amiral, si vous voulez. » Quelque chose évidemment lui tenait au cœur. Même dans les circonstances difficiles où il se trouvait maintenant placé, il lui était naturellement impossible d'accepter sans quelque chicane, comme il l'avait fait jusqu'alors, les conseils intelligents et désintéressés de Monsieur le comte. « Êtes-vous prêt, monsieur ?»« Oui. » Mais c'est le Kant dicta ainsi qu'il suit le premier paragraphe d'après la rédaction projetée. « Ceci est ma dernière volonté, mon testament, à moi, Noël Vanstone, habitant pour le présent Balliol Cottage, près d'Humphreys. Je révoque d'une manière absolue et dans chacune de ses clauses un premier testament signé par moi, le 30 septembre 1847. Et en conséquence, je désigne comme unique exécuteur du présent le contre-amiral Arthur Everard Bartram de St. Crux in the Marsh, comté d'Essex. Avez-vous écrit cette formule, monsieur? Oui. Mrs. LeCount posa le projet sur la table. Noël Vanstone, à son tour, y posa la plume. Ils évitaient de se regarder l'un l'autre. Un long silence se fit. J'attends, monsieur Noël, dit enfin Mrs. LeCount, que vous me fassiez connaître vos intentions relativement à la distribution de votre fortune. « De votre grande fortune, » ajouta-t-elle avec une emphase impitoyable. Il reprit la plume dont il se mit, gardant un silence profond et épluchant les brins un par un. « Peut-être, » poursuivit Mrs. LeCount, « le testament que vous avez déjà rédigé vous aiderait-il à me donner les instructions que je réclame? Puis-je vous demander à qui vous laissiez le surplus de vos capitaux en dehors des 80 000 livres sterling que votre femme s'était fait donner ?» Pour répondre simplement à cette question, Mr. Vanstone aurait dû dire « Je léguai tout le surplus dont vous me parlez à mon cousin George Bartram. » Et il lui aurait fallu convenir, en présence de Mrs. LeCount, que le nom de Mrs. LeCount avait été complètement omis dans le testament. Un homme bien plus hardi, dans la situation où il se trouvait, n'eût pas manqué de ressentir la même contrainte, le même embarras, qui le paralysait en ce moment. Il arracha le dernier brin qui tint encore après la plume déchiquetée et, franchissant l'espèce de trappe ouverte sous ses pieds, se hâta de reconnaître spontanément les prétentions indirectes de Mrs. LeCount. « J'aimerais mieux, » dit-il fort mal à son aise, « j'aimerais mieux, en fait de testament, ne parler que du testament actuel. Il faut d'abord, LeCount, » il hésita, fourra dans sa bouche l'extrémité dénudée de la plume, la mordit d'un air pensif, et n'ajouta rien. « Eh bien, monsieur, » reprit en insistant Mrs. LeCount, « il faut d'abord, Eh bien, monsieur, il faut d'abord régler ce qui vous concerne. Il prononça ces derniers mots sur le ton d'une interrogation plaintive, comme si toute espérance de se voir opposer un refus magnanime ne l'avait pas abandonné, même alors. Mrs. LeCount, sans perdre une minute, se chargea de rectifier ce que cette idée avait d'erroné. « Je vous remercie, monsieur Noël, » dit-elle avec l'accent et l'attitude d'une femme qui rend grâce, non d'une faveur, mais de l'accomplissement d'une obligation contractée envers elle. Il mordit encore sa plume, on commençait à voir poindre sur son visage une espèce de transpiration. « Le difficile, » fit-il observer, « est de fixer une somme. »« Votre regrettable père, monsieur, » répliqua Mrs. LeCount, « avait levé cette difficulté, si vous vous en souvenez, lors de sa dernière maladie. »« Je ne m'en souviens pas, » dit Noël Vanstone d'un ton bourru. « Vous étiez, monsieur, du côté de son lit, et moi qui vous parle, j'étais de l'autre. Nous nous efforcions en vain de l'amener à faire son testament. » Après nous avoir dit qu'il aimait mieux remettre et ne tester qu'après s'être rétabli, le digne homme se tourna de mon côté en prononçant quelques paroles affectueuses et bien senties, dont le souvenir me sera précieux jusqu'à mon dernier jour. Ces paroles, monsieur Noël, les auriez-vous oubliées ? Oui, dit l'autre sans hésitation. Dans le rôle que j'ai accepté, monsieur, la délicatesse m'interdit de venir en aide à votre mémoire. Elle regarda sa montre et retomba dans le silence. Noël Vanstone, les mains crispées, se tordait d'un côté à l'autre de son fauteuil dans une véritable torture d'indécision. Mrs. LeCount, désormais passive, affectait de ne plus s'occuper de lui le moins du monde. « Que penseriez-vous » commença-t-il, mais il s'arrêta tout à coup. « Eh bien, monsieur, que penseriez-vous de 1000 livres ?» Mrs. LeCount se levait de son fauteuil et le regardant bien en face, avec la majestueuse indignation d'une femme outragée. « Monsieur Noël, le service que je vous ai rendu aujourd'hui, s'il ne mérite aucune autre récompense, me donne au moins des droits à votre respect. J'ai bien l'honneur de vous saluer. »« 2000 ?» s'écria Noël Vanstone avec le courage du désespoir. Mrs. LeCount plia ses papiers et, gardant un silence méprisant, passa son bras dans la chaîne de son sac de voyage. « 3000 ?» Mrs. LeCount, impénétrable dans sa dignité, marcha de la table vers la porte. « 4000 ?» Mrs. LeCount rassembla les plis de son châle autour de ses épaules frémissantes et ouvrit la porte pour sortir. « 5000 ?» Il avait joint les mains et les tordait vers elle dans une colère et une anxiété frénétique. 5000 était le cri suprême et comme le dernier soupir de son suicide pécuniaire. Mrs. LeCount referma doucement la porte et fit un pas vers la table. « Franche de tout droit, monsieur ?» demanda-t-elle. « Non. » Mrs. LeCount tourna sur ses talons et, de plus belle, ouvrit la porte. « Allons, oui !» Mrs. LeCount revint prendre sa place à côté de la table comme si de rien n'était. « 5000 livres, franche et quitte du droit testamentaire, tel était, monsieur, lui dit-elle d'un ton paisible, la somme pour laquelle votre père avait promis de m'inscrire sur son testament. » Si vous voulez faire à votre mémoire un effort que vous ne lui avez pas demandé jusqu'à présent, votre mémoire confirmera la vérité de ce que j'avance. J'accepte de vous, monsieur Noël, l'accomplissement filial des promesses faites par votre père, et je ne vais pas plus loin. Je regarde comme en dessous de moi de tirer de ma position à votre égard un ignoble avantage. Je me mépriserai, arrachant à vos craintes le moindre profit. Vous êtes protégé par mon respect pour moi-même, et pour l'illustre nom que je porte. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, rien de ce que j'ai souffert à votre service. La veuve du professeur Lecomte, monsieur, prend ce qui lui appartient légitimement et ne demande rien de plus. » Tandis qu'elle prononçait ces paroles, toute trace de maladie sembla pour le moment effacée de son visage. Une lumière intérieure vint se refléter dans ses yeux. On voyait resplendir sur toute cette femme l'ardeur et le rayonnement d'une triple victoire. Elle était arrivée à son but. Elle avait mis son intégrité au-dessus de toute contestation, et enfin, sur le terrain même de Magdalène, elle avait égalé l'incorruptible abnégation de sa jeune rivale. Quand vous serez rendu à vous-même, monsieur, nous continuerons notre besogne, mais tout d'abord, attendons un peu. Elle lui donna le temps de se remettre, puis, après un coup d'œil jeté sur le projet, Elle dicta ainsi qu'il suit le second paragraphe du testament. Je donne et lègue à Madame Virginie Lecomte, veuve du professeur Lecomte quand il vivait habitant Zurich, la somme de 5 000 livres quitte et franche de tout droit de succession. Quoi faisant, je veux mentionner ici que je n'entends pas seulement reconnaître l'attachement et la fidélité qui m'ont été témoignés par Madame Lecomte en sa qualité de femme de charge, mais que je crois remplir aussi par là les intentions de feu mon père, lequel, s'il n'était mort à Bintestat, devait laisser à Madame Lecomte, pour ses services, le même gage de reconnaissance que je suis heureux de lui conférer aujourd'hui. Avez-vous écrit ces derniers mots, monsieur ? Oui. Mrs. Lecomte se pencha sur la table et tendit la main à Noël Vanstone. Je vous remercie, monsieur Noël, disait-elle. Les 5 000 livres constituent l'acquittement par votre père de ce que j'ai pu faire pour lui. Les paroles consignées dans le testament règlent votre compte particulier vis-à-vis de moi. Un faible sourire vint pour la première fois éclairer le visage du petit homme. Toute réflexion faite, il était consolant pour lui de penser que les choses auraient pu tourner encore plus mal. C'était un baume pour son esprit froissé, que cette dette de reconnaissance acquittée par une simple phrase non escomptable chez son banquier. Quelque étourderie que son père eût pu commettre, lui, du moins, avait eu le compte à bon marché. Quelques lignes de plus, monsieur, reprit Mrs. Lecount, et ce devoir pénible, mais indispensable, sera définitivement rempli. Maintenant que nous avons réglé la bagatelle relative au legs, nous pouvons aborder la grave question qui reste en suspens. Votre volonté va fixer la destination future d'une fortune considérable. Sur quelle tête ordonnez-vous qu'elle passe ? Noël Vanstone se tordit de plus belle dans son fauteuil, alors même qu'il cédait à la fascination toute-puissante de sa femme. Ce n'était pas sans angoisse qu'il avait pu, même sur le papier, se séparer de son argent. Ces angoisses, il les avait subies. À ce grand sacrifice, il avait su se résigner. Et maintenant, la terrible épreuve recommençait, lui imposant pour la seconde fois ses nécessités impitoyables. « Peut-être aiderai-je à fixer votre décision, monsieur, en renouvelant une question que je vous ai déjà faite. Dans le testament rédigé sous l'influence de votre femme, à qui laissiez-vous la portion des capitaux restés disponibles ? » À présent, il n'y avait plus aucun risque à répondre à cette question. Noël Vanstone confessa qu'il avait laissé ce surplus à son cousin George. « Vous ne pouviez mieux faire, monsieur Noël, et encore aujourd'hui, c'est le meilleur parti à prendre, » dit Mrs. Lecount. « Monsieur George et ses deux sœurs sont les seuls parents qui vous restent. L'une de ces dernières, frappée d'une maladie incurable, possède, et fort au-delà, de quoi suffire aux besoins très limités que lui crée cette situation exceptionnelle. L'autre est marié à un homme encore plus riche que vous. Laisser votre argent à ses deux sœurs serait le gaspiller en pure perte. Le laisser à leur frère George, c'est assister votre cousin très exactement comme il aura besoin d'être assisté lorsqu'il héritera un jour du château en ruine et des domaines appauvris de son oncle. Le testament le plus convenable dans votre situation est celui qui désignera l'amiral comme votre exécuteur et Mr. George comme votre héritier. De telles dispositions seront un hommage rendu au droit de l'amitié et feront justice au droit du sang. » Elle parlait avec chaleur, car elle parlait sous l'influence du souvenir reconnaissant que lui avait laissé la généreuse hospitalité de St. Crux. Noël Vanstone prit une autre plume qu'il se mit à dépouiller, brin à brin, comme il l'avait fait de la première. « Oui, fit-il incertain, je présume bien que cela revient à George. George, sans doute, a sur moi plus de droit que tout autre. » Il hésita, il regarda du côté de la porte, il regarda du côté de la fenêtre, comme s'il cherchait une issue par où il pût s'échapper. « Oh, le Count, s'écria-t-il enfin d'une voix lamentable, c'est une si grosse fortune. Laissez-moi le temps et donnez-moi quelques répits avant de m'obliger ainsi à la laisser à qui que ce soit. » Non sans étonner son maître, Mrs. Lecount se rendit immédiatement à cette prière caractérisée. « Je ne demande pas mieux, monsieur, lui répondit-elle, que de vous laisser un tel répit. J'ai moi-même quelque chose d'important à vous communiquer avant que vous ajoutiez une ligne à votre testament. Je vous disais tout à l'heure que votre situation actuelle engendre pour vous une seconde nécessité laquelle il n'a pas encore été pourvu, mais à laquelle il serait indispensable de pourvoir le moment venu. Ce moment, le voici. Vous avez un sérieux obstacle à vaincre pour pouvoir laisser votre fortune à votre cousin George. » « Quel obstacle ? » demanda-t-il. Mrs. LeCount, sans répondre, se leva de son siège, se glissa vers la porte sur la pointe des pieds et l'ouvrit tout à coup par un mouvement brusque. Personne au dehors n'écoutait. Le couloir d'un bout à l'autre était désert. « Je me méfie en général des domestiques, » dit-elle, revenant à sa place, « et des vôtres, tout particulièrement. Rapprochez-vous de moi, monsieur Noël. Ce dont j'ai à vous faire part maintenant ne doit être connu de qui que ce soit au monde, excepté de nous deux. »